Oui, j'aimerais recommander le roman Le plongeur de Stéphane Larue. C'est un livre que j'ai lu cette année qui m'a fait beaucoup d'effet pour cette plongée dans le réalisme de Schlager des années 90, de la musique qu'on écoutait puis qui a bercé notre adolescence. C'est un roman très cru, très poignant, qui est très sincère puis qui donne vraiment un nouvel élan, je trouve, à la littérature actuelle. C'est d'un réaliste très ancré dans notre société. Puis je recommande chaudement.